Bonjour Tiphaine, aujourd'hui dans la compagnie, dernier épisode de notre série consacrée à François-René de Chateaubriand, 1768-1848. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Chateaubriand a grandi en Bretagne dans une famille de la petite noblesse entre la ville de Saint-Malo et le château moyenâgeux de Combourg. Son père, homme rigide et impressionnant, voulait l'envoyer sur l'océan et sa mère ambitionnait pour lui une carrière d'ecclésiastique. Il ne sera ni l'un ni l'autre, mais un grand défenseur de la religion dans son génie du christianisme, ainsi qu'un grand aventurier. Il est mort à 80 ans au terme d'une vie qu'il aurait souhaité plus courte. C'est en tout cas ce qu'il a dit, lui qui considérait qu'on lui avait infligé la vie, comme nous l'a raconté lundi Bernard Degout dans une émission biographique à réécouter en podcast. Et puis mardi, nous avons parlé de ses fictions avec notamment Atala et René, ainsi que de ses mémoires d'outre-tombe. C'est Fabienne Bercegol qui nous a présenté ses ouvrages. Enfin hier, avec Jean-Marie Roulin, il a été question de la carrière politique de Chateaubriand, ainsi que de ses idées sur la manière de penser et d'écrire l'histoire. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des voyages de Chateaubriand, des paysages qu'il a aimés et de son rapport à la nature, nous sommes avec Sébastien Baudouin, professeur de lettres en classe préparatoire au lycée Victor Hugo à Paris. Il a édité il y a quelques semaines le volume « Voyage en Amérique de Chateaubriand » dans la collection Folio Gallimard. Il est aussi l'auteur d'un essai intitulé « Poétique du paysage » dans l'œuvre de Chateaubriand aux éditions Classique Garnier en 2011. Pour Chateaubriand, en effet, on trouve toute la beauté du monde dans les paysages, mais aussi toute la beauté du mystère de Dieu, comme on l'entend dans ce passage du génie du christianisme que je vous propose d'écouter pour débuter cette émission. Un soir, il faisait un profond calme et nous nous trouvions dans ces belles mers qui baignent les rivages de la Virginie. Toutes les voiles étaient pliées, j'étais occupé sous le pont lorsque j'entendais la cloche qui appelait l'équipage à la prière. Je me hâtais d'aller mêler mes vœux à ceux de mes compagnons de voyage. Les officiers étaient sur le château de Poupe avec les passagers. L'aumônier, un livre à la main, se tenait un peu en avant d'eux. Les matelots étaient répandus pêle-mêle sur le tillac. Nous étions tous debout, le visage tourné vers la proue du vaisseau qui regardait l'Occident. Il eût été à plaindre celui qui, dans ce spectacle, n'eût point reconnu la beauté de Dieu. Des larmes coulèrent malgré moi de mes paupières lorsque mes compagnons, ôtant leurs chapeaux goudronnés, vinrent à entonner d'une voix rauque leur simple cantique à Notre-Dame de Bon Secours, patronne des mariniers. Quelle était touchante la prière de ces hommes qui, sur une planche fragile au milieu de l'océan, contemplaient le soleil couchant sur les flots. Une lecture par Guillaume Gallienne. Bonjour à vous, Sébastien Baudouin. Bonjour. On l'entend bien dans cette lecture, ce que Chateaubriand voit dans le paysage, c'est quelque chose de très grand, quelque oui. chose de spirituel. Les nobles pensées naissent des grands spectacles, croyez Chateaubriand. Oui, effectivement. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, parce que quand Chateaubriand est arrivé en Amérique, il n'était pas encore habité par cette foi, qui viendra un peu plus tard, lorsqu'il écrira le génie du christianisme. Mais en fait, quand il est parti en Amérique, il a surtout été impressionné par la vastitude, vraiment, de l'espace américain. La nature l'a subjugué, avec Niagara notamment, et aussi les forêts immenses. Et ça lui a donné peu à peu l'idée, ou plutôt le pressentiment d'une omniprésence divine derrière tout ce spectacle, qui sera en réalité le fond même du génie du christianisme. Mmh. Hein, comment les merveilles de la nature illustrent l'infinie merveille de la création. C'est aussi le portrait d'un homme qu'on peut lire à travers les descriptions qu'il fait des paysages, Sébastien Baudouin. Oui, effectivement. Alors, on peut tout à fait penser que les paysages sont le miroir du moi, hein, ce qui serait un lieu commun romantique. En réalité, ce qui est vrai quand même aussi, non ? Alors, c'est vrai en partie. En réalité, ce que j'essaie de montrer dans mon essai, justement, c'est que la nature aussi influe sur l'individu et le change profondément. Il l'investit évidemment de sa culture, de sa sensibilité, mais le spectacle de la nature change ce que Gracq appellerait la face de la Terre, c'est-à-dire le visage du monde et la manière dont on l'appréhende. Il y a une sorte de double influence. Donc c'est un peu ce que vous disiez finalement à l'instant quand vous dites que la foi, elle vient aussi de ce voyage en Amérique. Chateaubriand a été changé par les forêts, par les chutes du Niagara, par le ciel et l'horizon sur la mer. Alors il y a eu plusieurs changements qui ont été apportés par le paysage chez Chateaubriand. D'abord, il y a un bouleversement esthétique, un bouleversement du rapport à l'infini, et surtout ça lui a donné l'inspiration. Tout simplement parce que quand on est face à un spectacle tel, on a envie de l'écrire. Alors la foi, elle est venue aussi, bien sûr, de sa mère, qui était très pieuse. Et la mort de sa mère a joué le rôle d'un déclencheur, en quelque sorte. Mais tout était déjà prêt pour que Chateaubriand exprime sa foi à travers l'espace et les paysages. Est-ce que ce que vous dites là, Chateaubriand l'a dit aussi ? Est-ce qu'il a dit « le paysage m'a fait penser différemment, le paysage m'a fait comprendre autrement ce qu'était la vie » ou est-ce que vous le voyez à travers ces textes ? Est-ce que c'est vous qui l'analysez ? C'est moi qui l'analyse, mais en même temps, Chateaubriand, quand il décrit par exemple la nuit chez les sauvages de l'Amérique ou le spectacle de Niagara, il y a une sorte de commotion qui s'opère, il sent profondément en lui la marque du sublime qui lui fait prendre conscience qu'il n'est pas qu'un être de chair et d'os, mais qu'il a aussi une âme, et que cette âme est en quête d'un infini qui s'inscrit dans un horizon après religieux, évidemment. Mais c'est aussi, bien sûr, une quête d'identité. Et c'est, je rejoins ce que vous me demandiez, c'est-à-dire que on se retrouve soi-même à travers le paysage qui nous fait sentir notre propre altérité. Alors pourquoi décide-t-il de partir ? Parce que finalement c'est un grand voyageur, Chateaubriand, pour son siècle, oui. Peu sont ceux qui ont parcouru à ce point le globe autant que lui. Il est précurseur, c'est ça qui est extraordinaire. Bon, il y avait Volney aussi qui était parti avant, mais il n'avait pas cette dimension littéraire, ou en tout cas un peu moins. Alors, ce qui décide Chateaubriand à partir, c'est très complexe, il y a un faisceau de raisons. Il faut quand même comprendre que c'est un écrivain extraordinaire parce que il est aventurier, c'est-à-dire qu'il se met en danger. En Orient et en Amérique, mais en Amérique, il part, il a 23 ans. Il est très jeune. Il part sur un bateau. On se demande s'il va pas faire un naufrage parce que c'est un bateau qui est quand même pas. C'est pas les paquebots de luxe actuels. Hein, c'est vraiment un bateau beaucoup moins sûr. Et quand il part aux États-Unis, je pense que d'abord la première motivation, il le dit lui-même, même s'il en fait pas son motif principal, c'est la situation en France, la situation historique, la situation politique, la période révolutionnaire bat son plein, les nobles sont quand même un petit peu en danger, et il y a une deuxième raison, il ne sait pas quoi faire, tout simplement, il est oisif, et il doit chercher un état, il n'a pas trouvé un état, c'est-à-dire une profession, tout simplement, et donc comme il est cadet, il doit trouver un travail et une raison de vivre, et je crois que l'Amérique est quand même un horizon pour tout un tas d'écrivains de l'époque, et aussi un lieu d'exil pour les nobles. Il y avait Talleyrand, par exemple, qui s'exile en Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, c'est un lieu rêvé, on en parle. C'est la première ère de démocratie vraiment moderne. Et donc, il y a une tentation de l'Amérique. Hein. Napoléon a voulu s'exiler en Amérique. Enfin, c'est vraiment un rêve. Et donc, épouser ce rêve, c'est aussi le but de Chateaubriand. Alors, tentation de l'absolu aussi, qu'on retrouve toujours chez lui. Oui, voilà, c'est ça. Il se dit que c'est un pays encore à découvrir, qui est à peine défriché Bon, alors évidemment, la raison officielle, mais il nous le dit lui-même, c'est un motif en fait, c'est une excuse pour partir, c'est de découvrir le passage du Nord-Ouest. Mais on sait très bien que, et lui-même le sait d'ailleurs... Il le sait déjà à cet âge-là, que c'est à peu près impossible de découvrir le passage disons du Nord-Ouest. Disons qu'il s'est monté la tête. Il le dit lui-même, il a beaucoup conversé avec Malesherbes, Chrétien Lamoignon de Malesherbes, qui était un grand érudit, protecteur des Lumières, et qui botaniste. Était aussi botaniste, voilà. Et il lui a mis entre les mains des ouvrages de botaniste, de voyageurs, et ça lui a donné envie de partir, et Lamoignon de Malesherbes lui dit « Je suis trop vieux, partez à ma place ». Voilà. Et il lui dit aussi, alors ça c'est amusant, quel dommage que vous ne connaissiez pas la botanique. Mmh. Et alors, donc, pour pallier un peu ce problème, il va surdéterminer ses textes, il va mettre énormément de termes latins pour montrer qu'il la connaît vraiment, alors qu'en réalité c'est pas le cas. Et donc ça lui a donné envie de partir en Amérique. Alors c'est surtout quand une fois qu'il arrive en Amérique, qu'il déchante, parce qu'il se rend compte que c'est trop grand, que personne ne l'a fait avant lui, et qu'il n'y arrivera pas, tout simplement. Mais il y a aussi la volonté de devenir un écrivain et exactement. Du coup d'aller chercher des détails pittoresques qui font vrai, entre guillemets, des couleurs comme on dit, pour un roman qu'il a peut-être déjà en tête. Oui, exactement. Alors ça sera exactement la même chose pour Itinéraire de Paris à Jérusalem, où il part pour en réalité trouver des images, comme il le dit. Et Chateaubriand est un écrivain qui a besoin d'aller in situ, sur les lieux, pour trouver l'inspiration. Et donc il part en Amérique effectivement avec en tête, alors pas d'écrire Atala, mais d'écrire une épopée indienne. Et en réalité, ça donnera d'abord Atala, puis René, puis plus tard, vraiment plus tard, les Natchez, mais vraiment en 1826, donc c'est vraiment tardif. La compagnie des œuvres sur France Culture. Est-ce qu'on peut parler d'un écrivain voyageur en parlant de Chateaubriand ? Il faut se rappeler qu'il est quand même originaire de Saint-Malo, la ville du festival des étonnants voyageurs. Est-ce qu'il aurait pu, par exemple, être invité par Michel Lebris pour venir parler au festival étonnant voyageur s'il était né 200 ans plus tard ? Eh bien, il n'a pas été. Non. Non, mais disons que oui, c'est un écrivain voyageur. Évidemment, oui, complètement. Il a initié une vogue, vraiment, notamment des voyages en Orient, mais aussi en Amérique. J'ai retrouvé des textes de d'autres auteurs qui sont partis en Amérique sur les traces de Chateaubriand, en prenant le livre de voyage en Amérique dans leurs mains et en essayant de refaire le parcours. Ça a été le cas aussi pour l'itinéraire de Paris à Jérusalem. C'est vraiment un écrivain voyageur. Oui, il voyage énormément. On oublie que dans les Mémoires d'Outre-Tombe, par exemple, dans la dernière partie, quand il voyage en Bohême, il écrit une sorte de récits de voyage qui sont ce qu'il appelle des incidences. Et donc vraiment, c'est un écrivain voyageur. Et alors pourquoi ce voyage en Amérique, tout comme l'itinéraire de Paris à Jérusalem, sont-ils hors des Mémoires d'Outre-Tombe ? Parce que au fond, ça n'est jamais qu'un épisode de sa vie qu'il raconte là. Alors, ils sont intégrés dans les Mémoires d'Outre-Tombe, mais en version évidemment très réduite. Hein. Alors, c'est très intéressant parce que le voyage en Amérique en tant que tel ne mentionne par exemple pas du tout les périples de la traversée. Alors pourquoi justement ? Alors que dans la Mémoire d'Outre-Tombe, il en parle. Voilà. Je pense que l'hypothèse serait que dans le voyage en Amérique, les contraintes de page ont joué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bête, mais le voyage en Amérique n'était là que pour combler un volume des œuvres complètes. Et donc, il fallait un certain nombre de pages. Il manquait un certain nombre de pages dans ces volumes sur le voyage. Et il s'est dit, tiens, bon bah, je vais écrire mon voyage en Amérique, ça comblera le volume, et comme ça, j'aurai tous mes volumes pour l'advocat. Et donc, peut-être qu'il lui a semblé que ces pages étaient inutiles. En tout cas, il les a plutôt ajoutées dans les Mémoires d'Outre-Tombe aussi, parce que ces pages le mettre en valeur. C'est-à-dire que ce sont des pages où il affronte la tempête, où il est en quelque sorte représenté selon l'éthos du voyageur aventurier qui risque sa vie. Visiblement, la traversée a été difficile quand même. Et oui, elle a été très difficile. Enfin, surtout le retour. En réalité, il a failli, bon, comme toujours chez Chateaubriand, il a failli faire naufrage, donc il a risqué sa vie, il est arrivé quasi mort. Alors qu'en réalité, bon, on peut supposer qu'il y a eu une vraie tempête, mais il a un peu dramatisé, je pense, quand même. Par contre, il s'est bien gardé de raconter, je crois, un épisode, vous allez me dire si c'est un épisode avéré, où il aurait été attaché sur le mât, à sa propre demande, un jour de tempête, pour ressentir finalement la tempête au maximum. Est-ce que c'est vrai ça ? Il est très difficile de déterminer si c'est vrai ou pas, mais c'est probable parce que il était tellement fougueux quand il était jeune, il était tellement imprégné de l'Odyssée qu'il a voulu faire comme Ulysse dans l'épisode des sirènes et se faire attacher au mât. Bon, il n'y avait pas de sirène, mais en tout cas, c'est possible. Après, je ne sais pas si c'est avéré par les témoignages. Je pense que bon, il y a une part, on ne pourra jamais savoir si c'est véritablement vrai ou pas. Mais c'est probable parce qu'il est vraiment, il est tellement, comment dire, il est tellement fougueux et un petit peu insaisissable qu'il a voulu se baigner tout nu dans l'océan. Oui, alors il raconte qu'il y a eu des requins justement qui arrivent à ce moment-là. Voilà, qui arrivent à ce moment-là, il se rend compte qu'il est peut-être en danger et donc il remonte. Alors il y a un témoignage de Mon Désir qui montre que effectivement il était totalement inconscient, que c'était un électron libre absolument impossible à canaliser dans ce bateau, qu'il faisait n'importe quoi, qu'il était trop enflammé. Il lisait la Bible, il prenait la Bible, il lisait à haute voix comme ça, les Sulpiciens étaient là, ils se disaient, oulala, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, Chateaubriand, lui, en fait plutôt un épisode héroïque. Mm-hmm. Comme sa chute dans le ravin de la cataracte de Niagara. Enfin, il tourne tout à son avantage. On peut supposer quand même qu'il a un petit peu enjolivé les choses. Mais c'est ce qu'on aime chez lui. Alors, comment est structuré ce drôle de texte Voyage en Amérique, parce qu'il y a à la fois une préface, il y a donc cet itinéraire où il raconte un petit peu par où il est passé, et puis après on a des pages qui relèvent de l'histoire naturelle, et puis ensuite de l'ethnologie. Oui. Racontez-nous un petit peu comment est organisé ce livre, Sébastien Baudouin. Alors c'est très intéressant, Philippe-Antoine a très bien analysé ce genre de choses dans son livre Les récits de voyage de Chateaubriand, contribution à l'étude d'un genre, qui a paru chez Champion. Il a très bien montré comment, en fait, Chateaubriand structure son récit de voyage à la croisée de différentes traditions. On se demande pourquoi, par exemple, il y a des chapitres sur l'histoire naturelle. Sont très étranges. Alors, il est question des castors, des orignales, des abeilles. C'est d'ailleurs assez drôle quand il parle des mœurs entre les castors qui se battent ou qui se battent avec les rats musqués. Enfin, il écrit vraiment à hauteur de fouine. Oui, alors parfois il y a une dimension politique derrière, c'est-à-dire que la manière dont les abeilles se comportent ou les mœurs des animaux en réalité reproduisent les mœurs des humains un petit peu. Enfin, ce qui est important dans l'histoire naturelle, c'est qu'en fait tout un ensemble de récits de voyage plus scientifiques, écrits par des véritables botanistes et des naturalistes comme on les appelait, étaient structurés ainsi. C'est-à-dire il y avait le récit de leur voyage et après il y avait la partie scientifique sérieuse. Pour acquérir des connaissances. Et donc lui, Chateaubriand a voulu reproduire cette double structure. Dans la forme, ou est-ce qu'il apporte scientifiquement des choses ? Est-ce qu'on en apprend plus à l'époque sur les castors que ce qu'on savait déjà ? C'est-à-dire que là, on voit que Chateaubriand est compilateur. C'est-à-dire qu'il reprend des ouvrages qui existent déjà, qui sont peu connus des lecteurs traditionnels, et il compile tout un tas de connaissances qu'il va piller dans tel ou tel ouvrage. Et oui, on en apprend, mais en réalité, ce sont des connaissances un peu larges. Bon, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Le carcajou, on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est quoi le carcajou ? Alors j'ai réussi à trouver ce que c'était, parce qu'aucune édition ne mettait quand même ce qu'était le carcajou. En réalité, c'est un animal connu dans l'Amérique du Nord, qui est le glouton. Mm-hmm. Le glouton d'Amérique qui se repaît de carcasses d'animaux. En fait, c'est un animal fossoyeur. Et c'est pour ça qu'il le décrit en train de manger les cadavres d'élans et d'ours brisés au fond de la cataracte de Niagara, pour montrer les dangers en fait de cet Éden supposé. Et donc, c'est un animal qui a été effectivement un petit peu mythifié par les Indiens, qui en ont fait un animal un peu magique, un animal doué d'une forme de pouvoir surnaturel. Pouvoir surnaturel, exactement. Mais alors, ce qu'on comprend dans ce que vous dites, Sébastien Baudouin, c'est que c'est un pilleur d'autres livres. Par exemple, il parle d'endroits où il n'a jamais mis les pieds. Exactement. Il en parle d'ailleurs très bien, comme la Floride. Donc ça veut dire qu'il a récupéré ces informations dans d'autres livres. Oui. Alors moi, j'ai des expériences assez bizarres où dans colloque, par exemple, quelqu'un m'a dit, mais il est jamais allé en Amérique. En fait, il est jamais allé en Amérique. Il a tout inventé. À ce point-là. J'ai un étudiant qui m'a dit, mais de toute façon, on m'a dit qu'il n'était jamais allé en Amérique. J'aurais dit, mais sur quoi vous basez-vous? On a des faits avérés. Enfin, non, on a des traces en Amérique de son passage. Donc, il y est vraiment allé. Mais il a tellement réinventé et tellement enchanté ses descriptions, comme il est appelé l'enchanteur, qu'on a cru qu'il avait tout inventé. Mais il y a quand même beaucoup d'inventions et beaucoup de plagiat. Oui. Alors, au 19e siècle, c'était pas comme ça que c'était senti. En réalité, on pouvait très bien piller des œuvres. Nous, on fera un procès à Chateaubriand. À l'époque, c'était tout à fait admis, il n'y avait pas de problème. Alors, Chateaubriand est encore plus habile que ça parce qu'il lit des ouvrages en anglais. Et il traduit les passages et il les fond dans sa prose. Mmh. Voilà, ni vu ni connu. Alors évidemment, la critique a très bien identifié ça. J'en ai repris les passages, effectivement. Alors parfois, ça donne des choses bizarres parce qu'il y a des mots en anglais qui sont donnés tels quels parce qu'il n'a pas réussi à le traduire. Des poissons, un petit peu, qui ont le nom anglais et que j'ai eu du mal à identifier. Et après, je me suis rendu compte qu'il avait utilisé le mot anglais et qu'il l'avait mis comme si c'était un mot français. Alors Sébastien Baudouin, tout à l'heure vous avez parlé de l'épisode des chutes du Niagara. Je vous propose d'écouter le moment où Chateaubriand arrive près de ces chutes. Comme je m'avançais incessamment, le guide me saisit le bras. Il m'arrêta au ray même de l'eau qui passait avec la vélocité d'une flèche. Elle ne bouillonnait point. Elle glissait en une seule masse sur la pente du roc. Son silence avant sa chute formait contraste avec le fracas de sa chute même. L'écriture compare souvent un peuple aux grandes eaux. C'était ici un peuple mourant qui, privé de la voix par l'agonie, allait se précipiter dans l'abîme de l'éternité. Le guide me retenait toujours car je me sentais, pour ainsi dire, entraîné par le fleuve et j'avais une envie involontaire de m'y jeter. Tantôt je portais mes regards en amont sur le rivage, tantôt en aval sur l'île qui partageait les eaux et où ces eaux manquaient tout à coup, comme si elles avaient été coupées par le ciel. Après un quart d'heure de perplexité et d'une admiration infinie, je me rendis à la chute. Je ne pouvais communiquer les pensées qui m'agitaient à la vue d'un désordre si sublime. Dans le désert de ma première existence, j'ai été obligé d'inventer des personnages pour la décorer. J'ai tiré de ma propre substance des êtres que je ne trouvais pas ailleurs et que je portais en moi. Qu'est-ce qu'une cascade qui tombe éternellement à l'aspect insensible de la terre et du ciel ? Si la nature humaine n'est là avec ses destinées et ses malheurs. S'enfoncer dans cette solitude d'eau et de montagne et ne savoir avec qui parler de ce grand spectacle. Les flots, les rochers, les bois, les torrents pour soi seul. Donner à l'âme une compagne et la riante parure des coteaux et la fraîche haleine de l'onde, tout va devenir ravissement. Le voyage du jour, le repos plus doux de la fin de la journée, le passer sur les flots, le dormir sur la mousse, tireront du cœur sa plus profonde tendresse. J'ai assis Véléda sur les grèves de l'Armorique, Simodocé sous les portiques d'Athènes, Blanca dans la salle de l'Alhambra. Alexandre créait des villes partout où il courait, j'ai laissé des songes partout où j'ai traîné ma vie. La compagnie des œuvres, nous parlons des voyages de Chateaubriand avec vous, Sébastien Baudouin. Que peut-on dire sur le style? On a dit que c'était un écrivain voyageur, c'est peut-être même un poète voyageur, on l'a bien entendu je crois dans cet extrait à l'instant. Oui, alors ce qui est intéressant c'est que Chateaubriand a essayé d'écrire de la poésie traditionnelle dans le sillage de Delille qui était un poète descriptif et ça a donné des poèmes de jeunesse pas très réussis, un petit peu académiques et sans véritable relief et c'est dans la prose que vient se loger la poésie. C'est proprement ce qu'on appelle de la prose poétique dans le sillage de Rousseau et effectivement la poésie est fondamentale dans les descriptions de Chateaubriand. C'est pour ça que on peut pas dire que ces descriptions sont assommantes. Elles sont très vivantes, elles sont très hautes en couleurs, elles sont très travaillées aussi. Chateaubriand est un écrivain qui retravaille énormément ses descriptions. Il y a 7 ou 8 versions de la fameuse nuit dans les nuit chez les sauvages, chez les sauvages de l'Amérique. Donc c'est vraiment une vision poétique du monde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rivée au réel Chateaubriand traverse le réel et essaie de se trouver à travers cet espace naturel qui est en fait un tremplin vers l'infini. Donc c'est le paysage qui est un tremplin vers l'infini. Oui. Est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il faut replacer dans son siècle ? Il y a à cette époque-là un rapport dans la littérature au paysage qui est très très prégnant. Oui, oui, bien sûr. Alors si on pense par exemple à Senancourt, Obermann est un livre qui est investi par les paysages. Oui, oui. Alors les paysages sont surtout présents dans la peinture. Et ça, ça a beaucoup influencé Chateaubriand aussi, qui était un amateur de peinture. Et effectivement, la littérature descriptive en tant que telle, elle a véritablement pris son essor après Chateaubriand, notamment dans les récits de voyage de Lamartine, de Nerval, de Flaubert en Orient, même si Flaubert n'aime pas trop décrire. Mais est-ce que ces écrivains-là peuvent se revendiquer de Chateaubriand ? Ah bah Lamartine, oui. Évidemment. Quand on lit par exemple les méditations poétiques, on voit très, très clairement le lien entre Lamartine et Chateaubriand. Flaubert aussi qui lisait René très assidûment. Et oui, Flaubert aussi. Flaubert, c'est opéré vivant du romantisme. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui en réalité avait une plume facile et très romantique. Alors si on lit Les Mémoires d'un fou par exemple, on se rend compte que, ou même Novembre, c'est véritablement un style chateaubriandesque. Chateaubriand est bien entendu un grand paysagiste, mais il faut tout de suite remarquer qu'il n'a pas trouvé tout de suite sa palette, comme on dirait pour un peintre. Il a découvert très jeune l'Amérique, et au fond, le choc violent qu'a été pour lui la découverte de l'exotisme lui est monté à la tête. Il a écrit Atala, qu'il a rendu célèbre immédiatement, et Atala lui a fait un sort, il est passé pour le peintre de l'exotisme, l'homme qui a découvert l'Amérique, et d'une certaine manière, cette réputation a peut-être un petit peu donné le change sur le véritable talent de Chateaubriand paysagiste. C'est un paysage très obsédant, et c'est un paysage très particulier. C'est d'abord un paysage pénétré d'histoire, on pourrait dire presque infusé, presque macéré dans des couches successives d'un passé souvent très lointain, passé évanoui. Et cela parce que, ça correspond profondément à la pente de Chateaubriand, ce passé annule le présent sous un poids énorme, réduit presque ce paysage à l'état de fantôme. Et par conséquent, c'est un paysage de ruines essentiellement, comme ces ruines avec un R majuscule qui étaient à la mode depuis Winckelmann et que peignaient les peintres du XVIIIe siècle finissant. Un paysage presque aboli par le poids de passé disparu qui s'y fait sentir. Que pensez-vous, Sébastien Baudouin, de ce que disait à l'instant l'écrivain Julien Gracq dans cette archive ? Moi qui suis un... Un Gracquien ? Oui, un Gracquien. Quand on aime le paysage, on est forcément un peu Gracquien littérature. Non, mais tout ce qu'il dit sur Chateaubriand est remarquable. J'invite les auditeurs à lire ce texte magnifique de Gracq qui est Le Grand Pan. Alors quand on a lu, c'est un peu désarmant, parce que quand on a lu ce texte, on se dit qu'est-ce qu'on peut écrire sur Chateaubriand après ? Parce qu'il a tout vu, avec cette fameuse pince de néant qui est très bien vue. Oui, je trouve que c'est quoi la pince de néant ? C'est-à-dire que c'est la manière dont Chateaubriand appréhende le temps à travers l'étau des mémoires et qui finalement ce temps se dissout en un rien, en une vanité et une sorte de fumée qui s'évapore, un néant. Et donc, il essaie d'embrasser son siècle, il se rend compte finalement que tout cela a disparu, n'est que vanité. Et c'est exactement ça, les mémoires d'outre-tombe. C'est tenter de cerner le néant. Mmh. Sur la question de l'histoire qu'on voit dans le paysage, donc il y a la question de la ruine, bon, qui est un motif romantique, mais quand il regarde, je sais pas, une forêt américaine, pourquoi pas, il voit aussi l'histoire du monde. Alors c'est très surprenant, mais quand il décrit les arbres, il emploie des analogies architecturales. On le retrouve dans le prologue d'Atala, où les arbres, les lianes forment des ponts. Il y a le pont naturel, évidemment, qui est fait d'arbres, et les arbres prennent les allures d'urnes antiques. Il a comme habitude de projeter la culture sur la nature, parce que la nature américaine est sans culture. Mmh. Ou plutôt, c'est ce que j'essaierai de montrer dans un autre livre d'ailleurs, c'est que la nature américaine est la culture américaine. En fait, le monument, Monument Valley par exemple, le monument, c'est la nature. Et Chateaubriand l'a bien saisi, même s'il arrive à trouver des ruines, les fameuses ruines de l'Ohio, dont on a du mal à déterminer ce qu'elles sont vraiment. On peut supposer que ce sont des tumulus, des tumuli indiens. Ces fameuses ruines l'intéressent beaucoup parce qu'il se dit, ah, il y a peut-être une histoire en Amérique. Du coup, il y a de la nostalgie dans les yeux de Chateaubriand quand il regarde le paysage. Ah oui, oui. Oui, effectivement, il y a une nostalgie. Alors, le paysage en tant que tel est à la fois un espace et un temps. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, effectivement, du paysage chez Chateaubriand. Et il essaie, alors c'est surtout dans les paysages de l'itinéraire de Paris à Jérusalem que se produit ce phénomène, où il perçoit à travers les stigmates des ruines, en Italie encore plus, finalement, les traces du passé qui ont disparu à jamais. Et donc il est sur la piste, en réalité, des mémoires d'outre-tombe, déjà. On va continuer à parler de tout ça, des voyages de Chateaubriand notamment, avec vous Sébastien Baudouin, juste après la chronique de Pierre Glaude. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Pierre Glaude, professeur de lettres à Sorbonne Université Paris 4. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de la vision de l'islam qu'avait Chateaubriand, un sujet qui enflamme Internet et les réseaux sociaux. On va très vite comprendre pourquoi. Oui, j'ai été le premier surpris en constatant que ce sujet était d'actualité sur le net et qu'il suscitait l'indignation des uns ou... en tout cas que les positions de Chateaubriand suscitaient l'indignation des uns et la sympathie des autres. Alors, vous allez comprendre quand je vous aurai indiqué deux des citations de Chateaubriand qui reviennent le plus souvent. Celle-ci d'abord, « Tous les germes de la destruction sociale sont dans la religion de Mahomet ». Ouais. Alors c'est vrai qu'il y va tout fort. Tout à fait violent. Oui. Et cette autre, qui ne l'est pas moins violente, un peuple dont l'ordre social est fondé sur l'esclavage et la polygamie, et évidemment quand il dit un peuple, c'est un peuple croyant à la religion de Mahomet, un peuple dont l'ordre social est fondé sur l'esclavage et la polygamie est un peuple qu'il faut renvoyer aux steppes des Mongols. Mmh. Alors, le sujet est difficile parce qu'il est difficile d'en parler sereinement aujourd'hui. Et je crois que ce qu'il faut faire d'abord, c'est contextualiser tout cela, recontextualiser, parce que ces citations qu'il faut aborder avec la distance critique qu'il convient, ne sonnaient pas du tout à l'époque de Chateaubriand comme elles sonnent aujourd'hui. Et elles avaient à cette époque quelque chose qui n'a pas le relief qu'elles ont aujourd'hui. Donc il faut faire attention évidemment à ne pas faire d'anachronisme tout en notant tout de même que ce sont des citations islamophobes. Oui, alors, bien sûr, aujourd'hui elles relèveraient pleinement de ce que nous appelons islamophobie. Mais si on les recontextualise, il faut comprendre exactement ce qu'a voulu dire Chateaubriand avant de dire « oui, je trouve ça formidable » ou au contraire « non, c'est infâme ». Essayons de comprendre d'une part ce qu'il a voulu dire et peut-être aussi ce que l'on peut en tirer aussi aujourd'hui. Alors, il faut comprendre que Chateaubriand, en tenant ses propos, vise d'abord un régime politique. C'est-à-dire que ce n'est pas l'islam qui l'intéresse au premier chef, c'est l'islam indirectement, parce qu'il est la religion qui prévaut dans l'Empire ottoman. et que Chateaubriand considère que l'Empire ottoman, d'abord, constitue un danger pour l'Europe dans les années 20, qu'il le regarde d'un point de vue qui est celui d'un diplomate. L'Empire ottoman se modernise, il se réarme. Et on sait que il y a eu de nombreuses batailles dans l'histoire de l'Europe à la frontière justement entre Orient et Occident, notamment en Europe centrale. Et Chateaubriand, diplomate, considère que effectivement il y a un danger représenté par l'Empire ottoman, mais qui ne devrait pas être lié en particulier à l'islam, puisque là il s'agit de politique. Pourquoi faire le lien finalement entre l'islam et le danger que politiquement l'Empire ottoman peut représenter pour le reste, enfin pour l'Europe? C'est le point important à comprendre. L'Empire ottoman, c'est le modèle de ce que l'on appelle le despotisme, et même c'est l'expression consacrée du despotisme oriental. La chose vient de loin. Elle vient des penseurs politiques, des philosophes politiques du XVIIIe siècle et même au-delà, notamment de Montesquieu, qui distingue trois types de régimes. La République, qui se fonde sur une constitution, sur des lois. La monarchie, y compris la monarchie absolue, où le monarque absolu est assujetti à une loi fondamentale et donc n'est pas le maître de faire absolument ce qu'il veut. Et puis, il y a en effet le despotisme oriental, qui là est le régime de l'arbitraire, qui règne uniquement sur la force, et sur son corollaire, qui est la peur que la force inspire au peuple sous le joug d'un despote oriental. Ça, c'est ce que nous dit Chateaubriand. C'est ce qu'il dit Chateaubriand, et c'est ce qu'il prend chez Montesquieu. Mm-hmm. C'est cette typologie des régimes qui illustre à ses yeux, en effet, la sublime porte, comme on dit à l'époque. Or, pour Chateaubriand, l'islam est la religion dont la théologie et dont la morale ont permis, d'une certaine manière, à ce despotisme oriental de s'installer et de durer. Mmh. Or, ce que dit Chateaubriand, c'est que... C'est assez sujet à caution, mais enfin, on imagine qu'il y aurait beaucoup de chercheurs qui pourraient montrer qu'il peut en être autrement. Alors, sans doute, mais ce qu'il faut voir, c'est que Chateaubriand, il y a une articulation qui se fait, surtout ce qui est sujet à caution, c'est les justifications qu'il donne. Je vous donnerai dans un instant une ou deux citations, vous verrez que c'est en effet discutable, que ceux qui connaissent le Coran objecteraient naturellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Chateaubriand fait un lien entre despotisme et appauvrissement moral, économique, social, des peuples qui sont sous ce joug. C'est-à-dire qu'il a cette phrase très étonnante en comparant les peuples qui vivent en Orient et les Indiens d'Amérique, ce qu'on appelle les sauvages, en montrant qu'ils sont différents parce que, dit-il, en un mot, tout annonce chez l'Américain le sauvage qui n'est point encore parvenu à l'état de civilisation, tout indique chez l'Arabe qui vit sous la domination ottomane l'homme civilisé retombé dans l'état sauvage. Et parce que Chateaubriand considère que l'Orient est la terre de la civilisation. Mmh. C'est une grande terre de civilisation et de culture, mais précisément le despotisme l'a fait retomber dans une forme de sauvagerie. Enfin, c'est tout de même, encore une fois, très très très sujet à caution que de faire ce genre de comparaison. Mais vous nous l'expliquez, Pierre Glotte, simplement pour mieux faire comprendre la vision de Chateaubriand, qui, encore une fois, peut être tout à fait discutée. Tout à fait. Et là encore, je vous donne la perspective que j'indiquais, des affirmations en effet que des spécialistes du Coran contesteraient, mais qui illustrent bien sa perspective. Dans le livre de Mahomet, il n'y a ni principe de civilisation, ni précepte qui puisse élever le caractère. Et il dit encore, toujours en voyant les choses à travers le prisme du despotisme oriental, que cette religion ne prêche ni la haine de la tyrannie, ni l'amour de la liberté. Bon. Alors, on comprend que ça enflamme le web aujourd'hui. Et bah oui, c'est quand même assez gros même de dire quelque chose comme ça. Alors, même si c'était il y a 200 ans. Bah, c'est celui qui a écrit Le génie du christianisme et qui oppose le christianisme dont il pense qu'il a été civilisateur, émancipateur, et qu'il annonce dans la perspective où il se place la démocratie moderne, qu'il oppose au fond à l'islam. Mais bon, pour sortir de cette confrontation frontale entre islamophobie ou islamophilie, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il me semble qu'il faut voir les questions que Chateaubriand adresse aux religions par-delà l'islam et généraliser un peu la chose. Et j'en verrai trois. Quels types de liens sont acceptables pour nous entre une religion, quelle qu'elle soit, et la gestion des affaires publiques, hein, dans leur double dimension politique et morale. Ensuite, qu'est-ce qui permet de dire, sans tomber dans l'ornière du préjugé, qu'une religion, quelle qu'elle soit, encore une fois, est une menace pour la cohésion d'une société attachée à la liberté, aux droits et à la dignité humaine? Et troisième question, sous quelles conditions une religion, quelle qu'elle soit, est compatible avec la modernité, comprise comme une époque dominée par les progrès de la sécularisation et par l'avènement de la démocratie? Bien voilà, trois questions qui ouvrent matière à débat. Je suis sûr qu'il y en aura. Des chercheurs peut-être se pencheront sur ces questions à l'avenir qui sont, il est vrai, tout à fait inflammables. Merci beaucoup Pierre Glaude, à très bientôt. Et vous écoutez la Compagnie des œuvres sur France Culture, au dernier moment de notre série consacrée à Chateaubriand. Nous parlons de ses récits de voyage et mon invité est Sébastien Baudouin. Un caractère moral s'attache aux scènes de l'automne. Ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s'affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. Je voyais avec un plaisir indicible le retour de la saison des tempêtes, le passage des cygnes et des ramiers, le rassemblement des corneilles dans la prairie de l'étang et leur percher à l'entrée de la nuit sur les plus hauts chênes du Grand Mail. Lorsque le soir élevait une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les laits du vent gémissaient dans les mousses flétries, j'entrais en pleine possession des sympathies de ma nature. Rencontrais-je quelques laboureurs au bout d'un guéret? Je m'arrêtais pour regarder cet homme. Le sillon qu'il creusait était le monument destiné à lui survivre. Que faisait à cela mon élégante démon? Par sa magie, elle me transportait au bord du Nil, me montrait la pyramide égyptienne, noyé dans le sable, comme un jour le sillon armoricain caché sous la bruyère. Je m'applaudissais d'avoir placé les fables de ma félicité hors du cercle des réalités humaines. Un nouvel extrait des mémoires d'Outre-Tombe, lu par Jérôme Robard. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu, je ne sais pas, de misanthropie dans le rapport de Chateaubriand avec la nature qui servirait aussi à s'isoler des autres hommes? Je ne crois pas qu'il y ait une misanthropie, disons qu'il y a une quête de la solitude. D'ailleurs, il y a un très beau terme au XIXe siècle qui est « les solitudes ». Chateaubriand recherche la solitude dans les solitudes, c'est-à-dire les lieux déserts d'hommes. Mais c'est pas pour autant qu'il est misanthrope, je ne pense pas. Mmh. Il y a cette idée que les hommes qui vivent dans la nature sont moins corrompus peut-être que les autres hommes. Donc s'il ne s'agit pas de s'isoler des hommes, il s'agit peut-être de s'isoler de la civilisation. Disons que c'est un recul nécessaire, c'est-à-dire on ne peut s'appréhender comme homme que loin des hommes. Quand on est plongé dans la masse, on se fond dans une entité collective et la nature est le nécessaire recul pour pouvoir appréhender sa propre humanité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les Indiens, par exemple, ou les Ottomans, qui sont très critiqués par Chateaubriand, en réalité, ce sont des moyens par l'autre, par la différence, de mieux s'appréhender soi-même. Alors, si donc trouve... l'altérité, c'est quelque chose qui existe vraiment pour Chateaubriand. Oui, oui, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voit les Indiens à l'aune de Rousseau. C'est-à-dire que ce sont des hommes de la nature, et donc quand il va en Amérique, il est très rousseauisé. Il cherche l'homme primitif. Il veut devenir l'homme primitif. Il y a aussi ça, il y a un ensauvagement chez Chateaubriand. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, comme dans Voyage en Amérique, il se travestit. C'est-à-dire qu'il met le costume du coureur de bois, il change de vêtements et il se fond dans des accoutrements sauvages. C'est la même chose en Orient, où il revêt des habits orientaux, comme pour faire corps avec, justement, les autres. Oui. Devenir autre. C'est peut-être la motivation de Chateaubriand, devenir autre. Est-ce que il ne sera pas déçu, précisément, par ce passage? Il devient autre un petit peu, peut-être, en Amérique, mais l'Amérique, peut-être, le déçoit aussi? Non, je ne crois pas. Je pense que l'Amérique est une commotion. Vraiment une commotion chez lui, ça a changé toute sa vie. Je pense que l'Amérique a vraiment déterminé toute sa conception du monde et toute sa conception de l'existence. Il est déçu. Est-ce qu'il n'a pas l'impression quand même qu'il arrive trop tard? Parce que la modernité, oui, elle est déjà arrivée maintenant en Amérique, quand lui, il y arrive. Finalement, c'est 100 ans plus tôt qu'il aurait dû faire ce voyage, s'il l'avait pu. Je sais pas, parce que il est pas vraiment déçu. Disons qu'il est déçu par les Indiens. Il pensait que les Indiens étaient vraiment beaucoup plus naturels. En fait, ils sont déjà... Alors Tocqueville ira encore plus loin, parce qu'il viendra plus tard. Il se rendra compte que les Indiens sont ravagés par l'alcool. Ils sont complètement... ils ont perdu leur culture, etc. Ils ont été avilis par les colons. Et Chateaubriand, lui, il se faisait une idée. Mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est la logique du voyage. Dans le voyage, on est forcément déçu. Surtout quand on idéalise le lieu où on va aller. Hein, ça remonte à du Bellay, hein. Rome complètement finalement idéalisée et qui n'est plus la Rome antique. Rome n'est plus dans Rome. Mmh. Et bien l'Amérique n'est plus dans l'Amérique. Au moins les paysages, eux, ne sont pas décevants. Voilà. Il y a quelque chose qui ressemble à littérature de Sorrow aussi. Ah oui, complètement. Chez Chateaubriand. Dans son rapport à la wilderness, ce terme intraduisible en français. C'est le sujet de mon prochain livre, justement, que je vais intituler La frontière de la solitude, qui est justement une citation de Chateaubriand qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il arrive à la frontière entre le défrichement des colons et la nature sauvage, la wilderness. Et c'est ce rapport-là qui le rend proche de Henry David Thoreau, effectivement, qui lui vivait complètement dans la wilderness, même s'il était à Concorde, qui était quand même un lieu civilisé. Il y a ce rapport à la sauvagerie. Je pense que c'est ça que cherche Chateaubriand dans son voyage, c'est-à-dire à devenir sauvage, à faire l'expérience de la rupture totale avec la civilisation. Est-ce que, en cela, il n'est pas finalement très moderne en littérature et précurseur, si on va très très loin, je ne sais pas moi, d'écrivains même du XXe siècle, comme Kerouac par exemple? Oui, alors bon, Kerouac, il n'écrit pas de la même manière, mais effectivement, vous avez raison, il y a dans l'intensité de l'expérience vécue, dans la volonté d'aller au bout, de traverser l'espace, d'essayer de se trouver à travers l'absolu, il y a effectivement une filiation. Alors, je pense plutôt avec la nature writing, enfin tout ce qui est plutôt américain, et c'est très américain de toute façon. Hein, Kerouac, voilà. Bah, pourquoi américain? Parce que quand on va aux États-Unis, on le voit, moi je suis allé à Niagara, même si c'est très très américanisé, très ça ressemble à Disneyland, quand on est face à la masse d'eau qui sombre dans le gouffre, on ressent vraiment ce qu'a ressenti Chateaubriand. C'est-à-dire une puissance incommensurable, où on se sent ridiculement faible et petit, c'est le sublime. Et quand on voit les grands espaces américains, les arbres gigantesques dans les parcs américains, on ressent vraiment pleinement ce qu'ont ressenti ces auteurs face à quelque chose qui nous dépasse. Ça aurait été intéressant d'avoir l'opinion de Chateaubriand sur la ville de New York d'après, oui, les gratte-ciels, ah oui, parce que ce qu'il en dit, oui, sur ce lieu du 19e siècle, c'est là encore la grande déception. Sur les villes américaines, oui, finalement, c'est plutôt Philadelphie qui l'intéresse davantage. Qui l'intéresse et qui l'intéresse pas vraiment aussi, parce que bon, il trouve ça plat. C'est cette logique urbaine du quadrillage. Bon, il trouve ça vraiment sans intérêt. En fait, ce qui l'intéresse, c'est pas les villes. C'est pas un écrivain des villes. Châteaubriand. C'est vraiment un incroyable de la nature. Et c'est vrai que quand il arrive en Amérique, les villes sont balbutiantes. C'est-à-dire que New York n'est pas New York. En fait, la plus grande ville, c'est, je crois, Philadelphie, hein, il me semble. Hein. Donc, et qui va énorme, d'ailleurs. Hein, quand on voit les gravures d'époque, c'est vraiment... Mais quand on parle de la filiation, il y a aussi toute l'école de l'Hudson River qui peint des paysages magnifiques et qui pourrait exprimer ce rapport à la nature. Mmh. Et on voit que finalement, la démesure n'est pas encore dans la ville, la démesure est dans la nature. Elle viendra après dans New York, effectivement, qui là est le lieu de la démesure, effectivement. Et sur les gens qu'il rencontre, sur Washington par exemple, qu'est-ce qu'il va raconter ? C'est un des arguments qu'annoncent les anti-Chateaubriand pour dire mais il n'est pas allé en Amérique puisqu'il a menti. Il n'a pas, rencontré Washington. Voilà, alors ça c'est un des grands mythes, mm-hmm. effectivement. Alors si on regarde l'un des plus grands biographes du début de la vie de Chateaubriand, Painter, il nous retrace bien la manière dont finalement il n'a pas pu rencontrer Washington en arrivant, mais qu'il l'a forcément rencontré en repartant. Parce que Washington était malade quand il est arrivé, et donc il ne recevait personne. Et, alors que Chateaubriand a dit qu'il l'avait rencontré à son arrivée. Ce qui est impossible. Il nous reste quelques minutes pour évoquer l'autre pôle des voyages chez Chateaubriand qui passe de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est son voyage en Orient. Voici un extrait justement du texte itinéraire de Paris à Jérusalem. Après le souper, Joseph apporta ma selle qui me servait ordinairement d'oreiller. Je m'enveloppais dans mon manteau et je me couchais au bord de l'Eurotas sous un laurier. La nuit était si pure et si sereine que la Voie lactée formait comme une aube réfléchie par l'eau du fleuve et à la clarté de laquelle on aurait pu lire. Je m'endormis, les yeux attachés au ciel, ayant précisément au-dessus de ma tête la belle constellation du cygne de Léda. Je me rappelle encore le plaisir que j'éprouvais autrefois à me reposer ainsi dans les bois de l'Amérique et surtout à me réveiller au milieu de la nuit. J'écoutais le bruit du vent dans la solitude, le bramement des daims et des cerfs, le mugissement d'une cataracte éloignée, tandis que mon bûcher à demi éteint rougissait en dessous le feuillage des arbres. J'aimais jusqu'à la voix de l'Iroquois lorsqu'il élevait un cri au sein des forêts, et qu'à la clarté des étoiles, dans le silence de la nature, il semblait proclamer sa liberté sans bornes. Les paysages de l'Orient sont-ils vus d'une manière très différente des paysages américains ? Est-ce qu'il y voit davantage l'histoire, là, justement, des civilisations et moins l'histoire de la planète, dirait-on aujourd'hui ? Alors, ils sont différents dans le sens où l'itinéraire de Paris à Jérusalem est beaucoup plus structuré, beaucoup plus travaillé que le voyage en Amérique qui a été construit à la hâte pour les œuvres complètes et donc dans les nécessités urgentes de l'édition. L'itinéraire, lui, laisse beaucoup plus de place au retravail des paysages. Alors, ce qui est symbolique et si intéressant, c'est que il y a ce que j'appellerais des paysages en fuite, des paysages de l'itinérance, c'est-à-dire des paysages esquissés pour donner l'impression d'une rapidité. Par la description de l'espace, Chateaubriand rend un rapport au temps. Et donc, il y a des bribes de paysages entrevues, à peine aperçues, qui donnent l'impression d'une forme de précipitation du parcours. Et on est embarqué par Chateaubriand dans ce voyage presque à bride abattue. Parce que là, il y a un but, c'est d'aller à Jérusalem. Voilà, il est urgent d'aller à Jérusalem, puis après il est urgent d'aller retrouver Nathalie de Noailles. Donc c'est pas le même but, c'est pas la même. D'un côté on a la religion et de l'autre l'irreligion presque. Enfin c'est assez intéressant. Mais alors ces paysages, oui, ils sont effectivement marqués par une forme d'urbanité un peu plus grande, mais il y a toujours une omniprésence de l'esthétique et des animaux. Par exemple, on n'a pas parlé des animaux, mais enfin à part le Carcajou, mais bon, il y a un très beau paysage où le soleil se reflète sur les ailes d'un oiseau. C'est un paysage magnifique. C'est un paysage semi-urbain. Donc il y a effectivement une histoire. Il y a aussi les pyramides qui sont représentées effectivement par Chateaubriand. C'est un passage obligé quand on passe évidemment en Égypte après Jérusalem. Donc il y a la Grèce, voilà. Constantinople, Jaffa, Bethléem, la Mer Morte, et puis Jérusalem. Alors, il va rester une semaine à Jérusalem, c'est pas beaucoup finalement. Et oui. Pourquoi y va-t-il et pourquoi reste-t-il si peu ? Alors il y va parce que il s'inscrit dans une logique qui est le pèlerinage. Il aime bien se représenter comme le dernier pèlerin qui part à Jérusalem. Et alors il reste finalement peu de temps, effectivement. Alors les raisons, je pense que c'est les contraintes vraiment du voyage. Il doit après revenir, donc il peut pas y rester plus longtemps que ça. Ce qui est intéressant, c'est que Jérusalem est abordé de manière très avec une forme de mise en scène, c'est-à-dire qu'il arrive, il la voit à travers un rocher derrière, au loin, comme une femme qui se fait désirer, et puis après il entre peu à peu dans le sein des saints, etc. Et donc une forme d'initiation qui s'opère, tout est ritualisé, et ça c'est vraiment la logique qui est celle de l'itinéraire, c'est-à-dire une mise en scène très théâtrale. Là ça rejoint ce que disait Gracq sur Chateaubriand, c'est-à-dire que il y a toujours dans ces paysages l'impression d'un lever de rideau, oui. Presque d'un opéra qui, comme ça. Donc c'est toujours un décor qu'on va visiter, et là en l'occurrence c'est le décor de la Passion du Christ. Oui, effectivement, oui. Alors pour lui c'est très important évidemment parce que le tombeau du Christ c'est vraiment quelque chose pour un chrétien, c'est un aboutissement, hein. C'est vraiment le lieu où il doit retrouver le fond même de sa foi, et oui effectivement c'est un passage très important de l'itinéraire, qui en fait c'est le but même de cet itinéraire, peut-être de retrouver aussi le fond même de son expérience spirituelle, d'essayer de se ressourcer auprès de ce tombeau. Et là, il n'y a pas de déception entre guillemets de la découverte de Jérusalem. Il oui, parle quand même oui. d'une ville morte. Oui. Il parle d'une ville qui ressemble à des prisons, à des sépulcres. Donc il y a quelque chose comme ça de presque un peu morbide. Oui, alors c'est cette dimension morbide traverse même tout l'itinéraire, c'est-à-dire qu'il est fasciné par les cimetières, par les tombes. Il recherche la tombe de Léonidas. Il recherche effectivement à errer dans les cimetières. Effectivement, il y a une sorte de déception quand il arrive à Jérusalem, mais c'est normal parce qu'il a idéalisé Jérusalem. C'est toujours la même logique. Euphorie, dysphorie. Effectivement. Est-ce qu'on peut reprendre aujourd'hui cet itinéraire, le refaire comme un guide de voyage ? Parce que certains l'ont fait déjà, et il est presque devenu d'ailleurs un guide, alors pour les romantiques et pour tout type de voyageurs, mais sans doute pour les plus littéraires d'entre eux. Il a servi vraiment de cela, oui. Sébastien Baudouin. Oui, alors il le dit lui-même, Chateaubriand bien sûr en tire une forme d'orgueil, il le dit dans une de ses préfaces, c'est le livre de poste des ruines, et donc il est content que des gens aient utilisé son livre comme un guide de voyage, sauf que évidemment, si on le suit scrupuleusement à la lettre, il y a des moments où on ne va pas trouver les lieux décrits parce qu'il n'y est pas allé. Encore une fois, et donc forcément, il a un petit peu menti sur son itinéraire. D'ailleurs, il reçoit des lettres de gens qui lui disent « Mais votre itinéraire n'est pas bon, enfin, il y a des choses qui collent pas, etc. » Et donc, ça le met un peu en porte-à-faux. Je pense qu'on peut suivre son itinéraire. Alors maintenant, les choses ont changé, les lieux ont changé. Ça doit pas être aussi simple que ça. Hein. On ne sait pas s'il est allé à Grenade là, pour écrire les aventures du dernier abancérage qui s'y passe. Oui, alors c'est une Grenade fantasmée. Là encore, avec cette idée de toujours du despotisme oriental, et là c'est vraiment une guerre de religion, parce que mais c'est un petit peu Roméo et Juliette aussi, les aventures de dernier avancérage. Hein, c'est toujours là c'est la religion qui fait obstacle. Ce ne sont pas les familles, mais effectivement, alors c'est une Grenade, oui, très très idéalisée. Pour aller plus loin, Sébastien Baudouin, je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « Poétique du paysage » dans l'œuvre de Chateaubriand chez Garnier en 2011, ainsi que sur « Le voyage en Amérique » que vous avez édité et présenté chez Folio en 2019, tout comme l'itinéraire de Paris à Jérusalem, c'est chez Folio également. C'était La Compagnie des Œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurent France, Jeanne Pain, Hélène Rivière, Anne Fleury et Laurine Vachon. Demain, vous retrouverez la compagnie des poètes avec Manu Farine. Quant à nous, on se dit à lundi prochain avec une première émission consacrée à la plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois.